Donc on est devant la mairie, plus précisément devant la cour d'honneur de la mairie. Ce qui se passe, c'est un mouvement de grève chez les personnels de l'ACOR pour se battre contre un licenciement abusif d'un des personnels de l'ACOR. On est en grève. Alors, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées déjà. Il y a eu les dialogues habituels. Enfin, déjà, ce licenciement, il a été impulsé, je crois, cet été. La direction a fait un pseudo-dialogue social en envoyant des directeurs du siège dans les équipements de quartier. Ça n'a pas servi à grand-chose, ça s'est mal passé et ça a même été mal vécu par pas mal de personnel apparemment. Puis là, depuis un mois, donc il y a eu une info syndicale, il y a eu un débrayage déjà, un mercredi. Et là, c'était la grève aujourd'hui. Alors ce matin à 9h, on était au pied du siège. On a commencé à faire du bruit vers 9h15, 9h30, dans ces eaux-là, je ne sais plus. Il y a une délégation qui est montée à l'étage pour rencontrer la direction. La direction leur a opposé un même discours visiblement cynique et sans... Enfin, ils veulent pas bouger, quoi. Ils veulent absolument pas bouger. Du coup, la délégation est redescendue du siège devant nous. On s'est arrêté de faire du bruit. Il y a eu un retour sur cette rencontre inutile. Et du coup, là, on est devant la mairie, vous avez bougé du siège ? Alors, on est descendu du siège ensuite, on a toujours en faisant du bruit. On a fait du bruit devant la mairie. Alors, quand on est arrivé, le personnel de la mairie était en train de fermer les grilles de la mairie. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où on commençait à repartir devant la cour d'honneur, il y a un élu vert qui a demandé pourquoi on était là. Et on a une syndicaliste qui a pu rentrer et discuter avec ce ou ces élus verts. Et cette syndicaliste, elle est ressortie en nous disant que les verts allaient, entre guillemets, mettre la pression à Aïcha Bassal pour qu'on puisse rencontrer Aïcha Bassal. Et que si ça ne se faisait pas dans l'après-midi, les élus verts eux-mêmes nous rencontreraient. Moi, j'ai été aussi marqué par le témoignage d'une bénévole de ce quartier-là, qui était très très émue. C'était très touchant. C'est-à-dire qu'on peut supposer que cette dame, elle appréciait le travail de cette personne qui a injustement licencié et qu'elle était choquée par ça. Et à un moment donné, cette dame bénévole, hein, c'est pas une salariée de l'ACOR, elle a même raconté qu'elle avait envoyé une lettre à monsieur De Planck et que monsieur De Planck lui avait répondu qu'il n'avait pas à lui répondre. Monsieur De Planck, c'est le directeur général de l'ACOR. Pour nous, c'est quand même quelque chose qui est nouveau. C'est ce qu'on a évoqué parce que dans le secteur du social, dans l'animation, on ne licenciait pas avant. On pouvait pousser à la démission, pousser les gens vers la sortie. Mais là, maintenant, c'est vraiment acté hein, par la direction générale. Et on est déjà, professionnellement parlant, dans une posture qui est assez précaire quand on voit qu'un animateur d'activité gagne entre 5 à 600 euros par mois. On imagine bien que voilà, pour joindre les deux bouts, c'est difficile. Donc au moins, il y avait ce sentiment que on pouvait garder son emploi et qu'on n'était pas mis en danger par rapport à ça. Et face au licenciement de la concernée, on se sent tous visés. Et c'est pour ça qu'on est aussi solidaires et puis on veut montrer que, contrairement à ce qui peut être dit, voilà, on reste très soudés et qu'on est prêt à continuer le mouvement s'il le faut pour se faire entendre. Vous demandez quoi en fait ? La réintégration de voilà, des personnes concernées. Toi, tu étais en train de dire que ça avait déjà existé à l'accord ? Oui, oui, oui, tout à fait. Oui. Je pense qu'à l'accord, ça fait aussi quand même partie peut-être de la fibre qui nous anime dans notre métier, dans le socioculturel. C'est qu'effectivement, on travaille sur la base du collectif et entre nous, entre salariés, c'est important. Donc on est quand même un certain nombre à défendre cette valeur-là. Il y a quelques années, il y a effectivement un collègue qui a été licencié pour une faute qui nous paraissait franchement pas prétexte à licencier. Il y a eu une vraie mobilisation et ce collègue est toujours à l'accord. Donc c'est aussi pour démontrer à la direction actuelle que c'est pas parce qu'ils prennent une décision de licenciement qu'ils peuvent pas revenir dessus et que c'est pas pour autant qu'ils perdront de leur respectabilité. Bien au contraire, ils en gagneront, quoi. La direction nous parle de dialogue social qu'il faudrait mettre en place. La question du dialogue, ça veut dire que c'est d'abord respecter l'ensemble des salariés, quels qu'ils soient. Ça veut dire les écouter, les prendre en considération. Et ça veut dire un management qui prend ça justement en compte et s'appuie sur cette valeur du respect là. Et la construction d'une intelligence collective, comme on dit un peu aujourd'hui. Aujourd'hui, ça n'existe pas du tout à l'accord, quoi. Ça n'existe plus. Et que c'est important justement qu'on se remobilise. Peut-être que ce licenciement, c'est aussi la goutte qui a fait déborder le vase. Aujourd'hui, chacun était isolé dans son coin et il était difficile de mobiliser. Et là, on se rend compte qu'effectivement, ça peut aussi arriver à n'importe qui. Je pense que la solidarité, elle a toujours aussi un intérêt un petit peu derrière. C'est se rendre compte qu'effectivement, on est tous vulnérables et qu'ensemble, on peut agir, quoi. Et ça fait combien de temps là que ça dure, ce mouvement ? Alors ce mouvement, depuis début septembre en fait, à la rentrée, c'est-à-dire qu'au retour de congé, on a appris la nouvelle du licenciement qui avait été décidé courant de l'été, quand tout le monde était parti. Quoi. Et c'est vrai que la mobilisation a été immédiate. Quoi. Et c'est la première journée de grève ou il y en a eu d'autres avant ? Non, il y a eu d'autres, il y a eu des débrayages. Oui, c'était plutôt des débrayages. Une journée complète, c'est la première, ouais. Et donc, c'est pas rien quand même, parce que c'est un mercredi, ça veut dire que c'est une journée importante. Il y a beaucoup d'animateurs qui sont sur du travail à temps partiel. C'est une journée importante pour eux en termes de salaire aussi. Donc, c'est vrai que c'est un engagement réel pour tous ceux qui sont ici rassemblés en grève aujourd'hui, quoi.